balles. La brigade. Là, si tu te gagnes petit à petit, tu te noies dans la solitude. Vu ton attitude à vouloir prendre des ailes grave en altitude. Tu joues le balèze, Théo, je m'échec, t'as besoin de réconfort. Ce n'est pas la peine de se tester, tu sais que ça te fout ni de l'effort en plus pour délirer. T'as pas besoin de te peau, t'es là gangster, cramé sans cesse et t'as pas de peau. Et je me pose, en eu mesure, c'est peut-être que je suppose. Caster 6, c'est avec Blagade qu'on te dépose. Je connais rien de plus bandant qu'une famille bien soudée. Cela limite les frais d'imitation. Plus tentant qu'une famille concourée à mer. Et délique, tout ça c'est rare comme mes gimmicks. La garde d'agression verbale, c'est une réelle agression textuelle. Prêt à balle, nave, les locaux soins. Tu suis tel une train quand on avance comme un seul homme. Bonhomme, ça c'est ça. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Et cela avec ou sans âme. Encore nu, toujours nu. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans armes. Avec ou sans armes. Et cela avec ou sans armes. Bien gros. Encore un peu tous braves. Mais sans des frères derrière qui te poussent grave. On tombe. Vu les épreuves, je crois pas que tous braves. Y'a rien d'héroïque à vaincre seul, car tu pars seul. Personne pour prendre la suite, même ne serait-ce qu'une parcelle. Force et union, ouais. La clé de toutes les portes. Et sans ça, des dieux, tu peux en appeler toutes les sortes. C'est pas sorcier de s'associer au lieu de s'atrophier. Ça demande des sacrifices, à la chance, faut pas trop chier. J'ai besoin de monde derrière, marche seul, fais ta prière. Les rues sont pleines de mauvaises graines sur terre. Prépare ta troupe, sinon, n'oublie pas ton coupe-coupe. Les vrais amis se font rares, de nos jours, j'en ai pas beaucoup. Sur le bout des doigts en séjour. J'profite du peu que j'ai en fait la bombe. Car le jour de ma mort, je serai seul dans ma tombe. Dans ma tombe. L'agression verbale la gâte, ouais. Inonde les anges. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Et cela avec ou sans âme. Sinon c'est encore plus bien trop. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Avec ou sans arme. Et cela avec ou sans ce sera encore plus. Toujours un guérisseur, agression verbale, un paysan sans sandales. Fusil à pompe sans balle, MC sans instrumental. Un guérisseur sans mental, un sandwich sans immental. Un banquier sans billet, 500 balles, faire une soirée sans salle. A ton avis, moi et mes potes, ton Tyson sans ses potes. Ah ouais l'ami, toi et tes potes, contre moi sans mes potes. Les négros veulent tout, très peu de jeunes comprennent tout. Lorsqu'ils dégueulent tout, réalisent qu'on s'en sort pas seul. Vivre en ermité, délaisse la fraternité. S'expose à l'ennemi pour mieux se faire niquer. On marche pas comme ça, ça tu le sais. Un frère n'a pas de prix, première chose apprise, c'est juste après la maternité. Moi c'est l'ex-PERT, je pose un. La brigade dit l'ombre des 1 et 1 plus 1. Faut que verbal soit l'agression. On te met la pression, en réel c'est pas une impression. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Et cela avec ou sans âme. Sinon c'est, et encore plus. Et toujours plus. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Avec ou sans âme, non. Et cela avec ou sans âme. Ça reste toujours. Et encore plus. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Avec ou sans âme. Et cela avec ou sans âme. Ça reste toujours. Encore plus. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Et cela avec ou sans âme. Ou sinon, ça me vient. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Avec ou sans âme. Et cela avec ou sans âme. Ça reste toujours plus. Encore plus. On s'en sort pas sans femme. On s'en sort pas sans qui? On s'en sort pas sans âme. Et cela avec ou sans âme. Ça reste. Et encore plus. Et toujours plus. On s'en sort pas sans qui? Ouais, ouais. On s'en sort pas sans femme. Famille, sans amis, sans amis, ouais. Ouais, avec ou sans armes.